Personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité, personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité, révolution dans nos bouches et nos actes. Le nouveau président avec le diable a un pacte. Les émeutes c'est de notre faute, c'est dit sans aucun tact. La France n'aime pas les blagues, c'est pas à cause de nos raps. On avance un seul but dans la tête, avoir les poches pleines et que la famille fasse la fête. Personne ne peut nous empêcher d'écouler le stock. J'ai pas attendu Nadia pour être solide comme l'Europe. On peut pas arrondir les angles, le truc est carré. Ça vient de la jeunesse française pour tous ces quartiers. Personne ne peut nous empêcher d'espérer ou d'avoir deux trois bises à faire prospérer. Le million qui peut m'empêcher de rêver. J'attends plus le Père Noël, il est trop vieux, il va crever. J'ai fait un rêve comme Martin, trop dur à réaliser. Il s'est fait fumer par la réalité. Personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité, personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité. Ils ont grandi comme Ricky et se permettent de nous juger. Quand tu veux discuter, ça finit par vas-y bouge s'te plaît. Leurs enfants ont peut-être bossé dur pour les mettre bien, mais c'est nous qui bossons dur pour mettre nos parents bien. À croire pour nous, la galère c'est sans fin, jusqu'à je suis mort de rire quand le sort est plaisantin. Là où ces grosses tintins veulent qu'on reste à la tristesse, subir le train-train, assis sur nos putains de crins. Ils veulent qu'on reste là, se branler jusqu'à péter nos freins. Mais enfin, n'est-ce pas que là ce franc, maintenant c'est nous ces enfants. Strabe la jeunesse française, mais moi du pays que de la baisse. Alors ils peuvent toujours faire style qu'on n'est pas là. Tant pis les petits gaspilleront l'énergie dans le halal. Et parce que même derrière nos rêves, y'a leur milice déguisée. On ira crier comment ça devant l'Elysée. Personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité, personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité. Nos rêves déboulent, grosses cagoules sur le nez, Scarface et Zepequeño surnommés, surarmés d'espoir et de volonté. Je peux pas faire le beau pendant que mes rêves se font plomber. Monter dans le panier à salade, faut plus compter sur nous. On va faire du pif, évitons les condés. On va monter haut, oh, même si ces bâtards de Schmitt viennent en monter haut. Oh, oh. Sorti d'un rêve pour le concrétiser. Parce que depuis l'euro, pour faire un bif, faut se lever à heure 5. Prends ceux qu'avance, dis wesh à leur zone. Tous chargeurs pleins, la dernière balle pour le dernier espoir. En attendant, j'éteins de croix et je le laisse croire. Faut qu'on avance, obligé, pour pas aller à contre-temps. Tellement je dois avancer, j'aurai le corps en diagonale si un shérif me pend. Personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité, personne ne peut nous empêcher d'avancer, personne ne peut nous empêcher de penser, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité, personne ne peut nous empêcher, personne ne peut nous empêcher, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité, personne ne peut nous empêcher, personne ne peut nous empêcher, personne ne peut nous empêcher d'espérer. Bitume réalité.